Bon, vous êtes à l'écoute de CHUO 89.1 FM et l'émission qui joue, c'est La Foutaise. C'est une émission temporaire qui remplace ce qui était initialement Gaia Spec. Ils sont partis pour l'été. Alors, on va être ici avec vous pour une autre quelques semaines. Et tel que promis, la semaine dernière, on va faire jouer de la musique un petit peu tranquille cette semaine. La semaine dernière, c'était de l'industriel, ce qui a probablement cassé les oreilles la moitié du monde. Alors, ce qui vient de jouer, c'est une pièce intitulée Big Wheels in Shanty Town. C'est Raintree Crow, qui est composée d'ailleurs des membres de Japan, qui était un groupe New Wave, un petit peu disco au début, disons, dans les années 80, ou disons fin 70, début 80. Alors, on va voir une pièce de Japan plus tard, et puis on va aussi avoir un concours tantôt, alors il faudrait rester à l'écoute. Je vais vous donner le numéro du studio pour tantôt, si jamais vous vouliez vous préparer d'avance. Le numéro, c'est le 562-5967. On a un petit concours tantôt par rapport à un des artistes qui va jouer, et puis c'est ça. Alors aujourd'hui, ce qu'on va vous faire jouer, c'est du Joran, du Vespertina, Medieval Babes, du Dead Can Dance, du Clannad, du Cashtin. Alors, ça va être une belle petite journée tranquille. Alors, on va continuer justement avec du Joran. C'est une artiste, si je ne me trompe pas, qui est québécoise. Elle va venir dans la région prochainement, ce mois-ci, je pense, peut-être le 24 mai, quelque chose dans ce genre-là, à Orléans, donc. Et puis, c'est une soirée d'improvisation. Il semblerait-il qu'elle va être là. Alors, j'ai pas tous les détails là-dessus, mais vous pouvez toujours vérifier, faire une couple d'appels, regarder dans les journaux, voir si par hasard il y aurait une information là-dessus. Si par hasard, justement, la tune que je vais vous faire jouer vous intéresse. C'est généralement des belles petites tunes angéliques, si on veut, avec du violoncelle et des chœurs, etc. Alors, on va faire jouer du Joran et du Vespertina et du Medieval Babes, et on vous revient après ça pour le restant de l'émission. Alors c'est ça, Joran avec une pièce qui s'appelle Macho. No. Alors, c'était Medieval Babes sur les ondes de CHUO 89.1 FM. Juste avant ça, on a fait jouer une petite pièce de Vespertina, de l'album Visions of Vespertina, qui est un album daté de 98. Alors, là, prochainement, on va faire jouer une couple de pièces de piano, et puis je vais vous faire écouter la seconde en particulier, parce qu'on a un petit concours QQ, là. Rien de spécial, mais le concours a rapport avec le deuxième morceau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sandwicher les deux pièces de piano entre deux pièces de Lost and Profound, un groupe canadien. C'est des petites pièces de 40 quelques secondes. Et puis, dans le milieu, entre les deux pièces de piano, pour les séparer, donc, il va y avoir une pièce de Psychotica qui s'appelle The Sleep. Alors, écoutez donc la première. La première, c'est une pièce de Noel Gallagher, que tout le monde connaît comme étant le génie, si on veut, derrière Oasis. Et puis, la deuxième pièce, c'est une pièce de Japan. On a entendu Rain Tree Crow au début, qui était Japan, qui s'était reformé en 91 pour faire un album là, un petit peu improvisé, etc. Mais ça, c'est une pièce qui vient de un de leurs premiers albums. Et puis, ce que je vous demande, donc, c'est de m'appeler au 562-5967 et de me dire le nom de la pièce. Si ça peut vous aider, ben, vous avez le nom de l'artiste. Et puis, en plus, c'est une pièce qui a le même titre qu'un film de... Comment il s'appelle encore? Merde, je l'avais au début. je m'excuse énormément. Là, c'est le même titre qu'un film de Roman Polanski. Bon, alors c'est ça. Rappelez-moi au 562-5967 si vous savez le nom de la toune. Et ce que vous risquez de gagner, si ça vous tente énormément, ce serait un des albums de Japan. Vous avez le choix entre un des deux. Et puis le premier qui appelle, puis il y a le bon nom de l'album, donc de l'album de la toune. Et peut-être si vous pouvez même me dire le nom de l'album, vous aurez les deux cassettes. Alors appelez-moi au 562-5967 et puis on commence avec du Lost and Profound sur les ondes de CHUO 89.1 FM. Thank you. 89.1 FM. Bon, alors vous êtes sous la foutaise. Donc, c'était une couple de pièces, un de Noel Gallagher et l'autre de Japan. Et c'était sandwiché, si on veut, en deux tunes de Lost and Profound. Alors, donc, on a un petit concours qui va, mais pas très bien. C'est donc, si vous pouvez me dire qui était, plutôt, quel était le nom de la tune de Japan qui vient de jouer, le morceau de piano qui vient de jouer, c'est à peu près 7 minutes de long. Il y a quelqu'un qui a appelé, mais je suis sûr que c'était seulement ma mère, alors je la rappellerai ce soir. Alors, n'importe qui peut me dire c'est qui c'est quoi le nom de la tune. Appelez-moi au 562-5967, et puis c'est ça, si vous avez le bon nom, vous savez quel titre que c'était, je vous donne un album. Album ou deux, dépendant de l'album, de justement du groupe Japan. Alors, rappelez-moi au 562-5967. Alors là, maintenant, on va suivre avec du Richard de Cocciante. Ça, c'est une interprétation italienne d'une tune de Jean-Jacques Goldman pour l'album Astérix et Obélix contre César. On va suivre par du Cash-In, du Clannad, et on va peut-être finir la journée avec du Dead Can Dance, si le temps me le permet. Alors, c'est ça. Donc, c'est du Richard Cocciante sur les ondes de CHUO 89.1 FM. Quando lei passa tutto passa dietro di lei, davanti a un cielo non si vede che lei, così regina che non merita che un re. Io non sono un re, lei non vede me. Quando lei balla tutto balla, attorno a lei, vicino a lei tutto è bello, perché ha quella grazia che le altre non hanno, tutto ciò che non ho. Lei non vede me, più mi avvicino più mi sento male nei miei panni, più odio il corpo mio, la voce mia. Sono confini che varchiamo malgrado migliaia di soldati, ma i nostri non li superiamo mai. Lui ha quell'andatura, i gesti così delicati, la leggerezza di quel mondo lì, ed è anche talmente ciò che lui non è, ma le donne non sanno, quelle cose non vedono. Lei non vede me. Cambiare tante cose se vogliamo, se lottiamo, ma quelle ingiustizie no. Quando lei passa tutto passa dietro di lei, davanti a un cielo non si vede che lei, così regina che non merita che un re, ma non certo me. Io non sono un re. E non vedi. ça. Qua tu taci qua, carne me qui. A qua tu ta. Qua tu enda che cinci qua, cauici qui. We'll be right back. Alors, c'était Clanade sur les ondes de CHUO 89.1 FM. On va faire ça vite parce qu'il nous reste vraiment pas grand temps, puis j'aimerais ça vous faire entendre la dernière pièce. Alors là, pour le concours, il y a du monde qui ont appelé, mais personne qui a eu la bonne réponse. Alors, tout ce que je peux vous dire, là, c'est que vous têtez de la grosse bite en feu. Et puis là, franchement, il faut que quelqu'un d'autre essaye d'appeler. Là, il reste 7 minutes. Alors, appelez-nous au 562-5967 pour essayer de me dire quel était le nom de la toune de Japan que j'ai fait jouer plus tôt. Alors ça, c'est du Clanade et puis précédemment du Cash Tin. Et on va faire jouer un petit morceau de Dead Can Dance qui dure à peu près 7 minutes, excusez-moi. Alors je vais quitter là-dessus. La semaine prochaine, on revient encore de midi à 1. Ça va être du techno la semaine prochaine, ça va être un petit peu différent de cette semaine. Alors restez à l'écoute. Après ça, on va voir Gaia Speck qui va jouer pour la prochaine heure ou quelque chose comme ça. Alors je vais vous quitter avec quelques mots de non-sagesse de ma grande tante Gingras. Alva disait « Ceux qui se grattent le cul ont le doigt qui pue ». Alors, on se revoit la semaine prochaine. Voici du Dead Can Dance.